Précédemment, dans Linkil. Ils sont de pire en pire à vouloir nous vendre leur saloperie. Un démarcheur qui a embêté Gérard? Non, c'est Enedis. Qui? Enedis, c'est le nouveau nom de RDF. Ils veulent nous poser un compteur intelligent. Le compteur, il est tellement malin qu'il enregistre toutes les données de ce que tu consommes. Et en plus, il peut modifier ton abonnement tout seul. Gabriel commençait à cerner le problème. Lui aussi se méfiait en général des objets qui se croyaient plus intelligents que lui. Le compteur Linkil, épisode 2. D'après une idée trouvée sur alouest.info. Profitant de cette excellente humeur qui persistait, Gabriel décida de faire une petite balade rue Popincourt. Cheryl serait peut-être sur le point d'aller déjeuner, va savoir. Il était midi passé quand il arriva au salon de coiffure. Les lumières étaient éteintes, si bien qu'il faillit croire qu'elle était déjà partie et s'apprêtait à passer son chemin. Un cri soudain, en provenance de la boutique, l'arrêta net. Se collant à la vitrine, il ne put rien distinguer d'inhabituel, à part que les deux grandes photographies de modèles avaient été changées. Un second cri, immédiatement suivi celui-là, de l'ouverture de la porte du vestiaire et de la sortie de Cheryl. Elle vit Gabriel à travers la vitrine et le désigna d'un doigt rageur. Il entra, mais cette fois en prenant bien garde d'effacer toute trace de sourire. Ils se foutent de ma gueule, hein ! Cheryl suffoquait en tendant au poulpe une lettre en tête. Les yeux de Gabriel firent le point sur un logo pour la deuxième fois de la journée, Enedis. CERDF. Enfin, ils ont changé de nom, mais c'est EDF. Intrigué, Gabriel revint au courrier. Deux rencontres dans la même matinée. Pour un peu, on se serait cru au début d'un polar. Madame, disait la lettre. C'est à cause du compteur. Ils ont des nouveaux compteurs. Linky s'appelle. Et ils te rendent comme un... Oui, une intelligence supérieure au service de tes économies. Je connais. Il reprit sa lecture. Par votre courrier du 9 juillet, vous nous avez fait part de votre souhait de ne pas bénéficier du nouveau compteur Linky. Je souhaite donc en réponse vous apporter les précisions suivantes. Tout d'abord, je vous informe que l'article 13.3 de la loi du 9 août 2004 stipule que le libre accès à votre compteur d'électricité est nécessaire pour que RDF soit en mesure d'accomplir ses missions. Ne pas donner libre accès à votre compteur vous placerait en infraction par rapport à la loi. Gabriel n'avait pas besoin de lever les yeux du courrier pour savoir que Cheryl n'hésiterait pas une seconde à se placer en infraction par rapport à n'importe quelle loi lorsqu'elle l'avait décidé. Les signaux lumineux du poulpe étaient tous allumés. Se cacher autant derrière la loi ne pouvait être que suspect. En ce qui concerne plus spécifiquement votre interrogation, sachez que vos données vous appartiennent. Les distributeurs d'électricité sont soumis à une obligation de protection des informations commercialement sensibles et à une obligation de protection des données personnelles. Econfinos, crois en moi. Que je puisse veiller sur toi. Attention, Vanessa. Fais un somme sans méfiance. Je suis là et confiance. Gabriel abandonna les pitoyable justification de cet anonyme du service client. Tu as lu la fin ? Demeurant à votre écoute, je vous prie de recevoir, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Ils vont voir comment je vais les recevoir. Elle sortit une batte de baseball de derrière le comptoir. À suivre.